Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. La vie de Nina Simone est un roman qui commence en 1933 à Tryon, en Caroline du Nord, au cœur d'une Amérique ségrégationniste, et s'achève en Provence en 2003, au bord de la Méditerranée. C'est le roman de Nice Waymon, une jeune fille douée et noire, qui rêvait d'être la première concertiste classique noire de l'histoire de son pays, qui ne put le devenir, peut-être, sans doute, parce qu'elle était noire. C'est l'histoire d'une pianiste qui, par la force des choses, deviendra l'une des plus grandes chanteuses populaires du XXe siècle. C'est l'Amérique des années 60, celle du Vietnam, de Martin Luther King, de Malcolm X, du mouvement pour les droits civiques pour lequel Nina Simone lutte et chante. Ce sont des trahisons, des histoires d'amour qui finissent mal, l'histoire d'une femme exilée dans les drogues et l'alcool, que l'on dit bipolaire, maniaco-dépressive, artiste débordante, embarrassante. L'histoire d'une voix, d'un visage, d'un corps de femme noire, diva vaudou qui chante avec le même bonheur, jazz, gospel, soul, blues, folk et tous les genres. L'histoire d'une princesse irréconciliée qui fait de tous les styles le sien, celui de Nina Simone. En 2014, Élodie Maillot se penchait sur la vie et l'œuvre de Nina Simone. This is Nina Simone, my friend. You're tuned to the station that plays the best music in town. Where? Right here, of course. My baby don't care. Cars and races. I haven't seen you for many years. Il y a des années que je ne vous ai pas vu. I will sing for you. Alors je vais chanter pour vous. We will do and share et puis with nous you allons partager quelques moments. After which et shall après, graduate j'espère to a higher class. Que j'aurai mon diplôme pour passer en classe supérieure. You will come with me. Et j'espère que vous viendrez avec moi. We will start from the beginning. Alors, nous allons commencer par le début. Which was about a little girl. C'est l'histoire d'une petite fille. And her name was Blue. Et son nom, c'est Blue. C'est l'histoire d'une petite fille, née en 33 dans la ségrégation du sud des États-Unis. C'est l'histoire d'une petite fille de Tryon, Caroline du Nord, là où le soir, les voisins portent des cagoules blanches du Ku Klux Klan et où le dimanche, maman prêche à l'église. L'histoire d'une petite fille entre deux mondes, entre deux gammes, entre deux pôles et qui rêve d'être libre. L'histoire d'une petite fille qui a un don, celui de l'oreille absolue. Dans une ville où le silence étouffe les cris et les revendications, elle reproduit bande-son classique et gospel, notes et mélodies, à l'envi. C'est l'histoire d'une petite fille qui fera de ses blessures des ressorts, de ses défauts des armes, une jeune fille qui invente sa propre discipline, sa mesure, qui est souvent des mesures. Ses compagnons de jeu s'appellent Sonate de Beethoven, Variation Goldberg, et elle se nourrit d'émotions, de feelings. Au-delà du tonnerre et dans le crissement du satin, au-delà de la colère et dans le froissement de soi, entre le sublime et le laid, elle deviendra chanteuse. Rambo. Et c'est par un après-midi neigeux et glacial, loin de la Caroline du Nord, au nord de New York, qu'on glisse vers celui avec qui elle a écrit quelques partitions de sa vie à quatre mains. C'est à Sam, le frère, le musicien, puis le manager, qu'elle confia ses secrets d'état émotionnel. Come right on in and have a sit down. So take your coat off and relax. She's gonna make a fire. Oh man, okay. This is musician talk, you know. Ah, when she was just a little girl, tender age of three, she knew she had a special gift and it was meant to be. She did not understand that it could set her free, but it was in her blood, a sister's love. J'ai écrit cette chanson car je voulais rendre un hommage à Nina. For Nina. Nina Simone. Nina Simone was her stage name. C'était son nom de scène. Her real name is Eunice. Son vrai nom, c'était Eunice Wayman. As mine is Sam. Comme moi, je m'appelle Sam Wayman. Come from a land far, far away. Et on vient de loin. Born in North Carolina. Je suis aussi né en Caroline du Nord. She and I were very close. On était très proches. I've been playing since I was three. Moi, j'ai commencé le piano à 3 ans. Et ma sœur aussi a commencé à 3 ans. Ma mère me disait qu'on a commencé à jouer avant même de marcher. On rampait jusqu'au piano pour jouer des trucs comme ça. Moi, je jouais des trucs différents de Nina. Moi, je faisais des vieux R&B et des classiques doo-wop des années 50 et 60. Et Nina, elle, elle a reçu une formation classique. Elle avait comme professeur Miss Masinovich. Ma mère était femme de ménage chez elle. Et notre mère était révérend à l'église, mais elle faisait aussi des ménages pour des riches blancs. Miss Maisie a réalisé que Nina avait un don. Et elle a dit, je veux donner des cours gratuits à votre fille. Oui, Miss Maisie était tellement impressionnée qu'elle lui a dit, je vais te donner des cours et un jour, tu deviendras une pianiste classique incroyable. Quand vous jouez du Bach vraiment bien, c'est le compositeur le plus difficile à jouer. Cet homme partait de choses simples qu'il faut d'abord se mettre dans la tête et les écouter. Ça demande une discipline terrible. C'est un maître, il faut beaucoup de discipline pour bien jouer. Parce que si vous ne jouez pas Bach correctement, ça sonne comme un fouillis de notes. Mais quand vous le jouez comme il faut, les mêmes notes que vous ne cessez de répéter prennent une grande signification. Et c'est ça qui est dur. Scarecrows dressed in the latest styles, with frozen faces to keep love away. Miss Maisie avait beaucoup d'amis riches. Donc elle avait monté un fonds de soutien à Eunice Wayman, ma sœur, et elle organisait des récitals pour lever des fonds. Et puis un jour, ça je ne l'oublierai jamais, elle avait organisé un récital pour montrer les talents de Nina à ses amis. Mes parents s'étaient assis au premier rang, et soudain, quelqu'un leur a demandé de se lever pour laisser leur siège à des blancs, et de se mettre au fond de la salle. Personne n'avait encore vu le côté rebelle de Nina avant ça. Nina était une petite fille docile, pas vraiment timide, mais en tout cas sans colère particulière, jusqu'à ce jour. Nina s'est levée et elle a dit, comment osez-vous demander à mes parents de se lever? Je ne jouerai pas si mes parents ne s'assoient pas au premier rang et vous pouvez tous aller au diable. Elle avait 12 ans? Oui. Mes parents n'avaient encore jamais vu ce trait de personnalité de Nina. Et Miss Maisie a dit, laissez votre siège aux parents de ma jeune étudiante pour qu'elle puisse jouer. À la fin, tout le monde s'est levé et a applaudi. Dès l'âge de 3 ans, j'étais déjà consciente, autant qu'aujourd'hui, des injustices raciales. Pas besoin de me cogner pour me faire comprendre le message. Certaines attitudes me suffisent. Par exemple, quand j'étais jeune, on ne me laissait pas m'asseoir au drugstore pour manger mon sandwich au fromage. Donc, j'avais déjà compris le message. Quelqu'un m'a demandé quand la colère de ma sœur a commencé. Je crois que c'est à ce moment-là. Je crois qu'elle en avait juste assez. Que tu aies 12, 30 ou 50 ans, peu importe. Quand c'est trop, c'est trop. Et quand tu as 12 ans, tu es une jeune fille noire en Caroline du Nord, c'est comme si tu avais vécu 50 ans. Tu as déjà connu une vie très dure parce que tu as fait l'expérience de la haine et des préjugés les plus extrêmes. Et la seconde fois, c'était quand je suis arrivée au Curtis Institute pour passer un concours. Je savais que j'étais bonne à l'époque. C'est vrai, j'étais humble. Aujourd'hui, moi. Et j'ai pas vraiment compris parce que je jouais Tcherny, Liszt, Rachmaninoff et Bach. Et je savais que j'avais bien joué. Et je n'ai pas compris pourquoi je n'ai pas été admise. Et autour de moi, il y a des gens qui connaissaient bien mon talent et qui m'ont dit, mais Nina, c'est parce que tu es noire. Et ça m'a choquée. J'ai pas pris le temps de réfléchir là-dessus. J'ai dit, ok, j'irai là où je pourrais gagner un peu de sous pour aider mes parents, qui à l'époque venaient de quitter la Caroline du Nord pour être avec moi à Philadelphie. She does not know her beauty. She thinks her brown body has no glory. Alors comment est-ce qu'on fait maintenant? Comment est-ce qu'on fait à partir du moment où on a appris à jouer du piano, on sait jouer du piano, pour toucher ce qui serait quelque chose comme une carrière de concertiste? David Brin-Lambert. Il n'y a pas d'autre choix que d'avoir un papier et d'avoir un diplôme. Et pour cela, d'abord il y a un premier passage, mais qui est en stage d'été, hein, à la Juilliard School of Music de New York, où notamment étudier Miles Davis et Duke Ellington. Mais plus important pour elle, parce que la ville est plus proche, Philadelphie. Philadelphie est ce qui est toujours considéré aux États-Unis comme l'un des grands centres d'enseignement de musique classique aux États-Unis, qui est le Curtis Institute de Philadelphie, dont elle passe l'examen, et la réponse intervient un jour, et cette réponse est négative. Elle est refusée. Tout s'écroule d'un coup. Alors maintenant, on fait quoi? Puisque la réponse est non. Tout s'arrête. Et à partir de là, que faire? Qu'est-ce qu'une femme noire de 20 ans à cette époque-là, qui ne connaît rien d'autre que le clavier, qui n'a pas vraiment de grâce particulière, pas vraiment de beauté particulière, qu'est-ce qu'on fait de sa peau? Première amitié avec une prostituée qui, l'été, va faire son beurre à Atlantic City, ville de jeu mais pas que, ville des plaisirs aux États-Unis plutôt. Alors elle la suit, puis là elle s'invente, elle improvise. En fait, elle improvise. Elle avait toujours cru qu'elle serait un jour l'une des meilleures musiciennes classiques, jusqu'à ce qu'elle doive aller jouer dans ce club d'Atlantic City. Au départ, elle ne jouait que du piano. Elle connaissait le jazz et elle y a incorporé ses racines gospel religieuses et sa formation classique. Nina ne chantait pas au départ, mais elle avait besoin de travailler. Et le patron lui a dit, si tu veux gagner de l'argent, chante, sinon tu es viré. Nina a chanté. And that's where Nina Simone was born. That's when she sang, I love you, Porgy. C'est là qu'elle a chanté I love you, Porgy. Don't let him handle me and drive me mad. If you can keep me. Elle a chanté ce morceau. The rest is history. Le reste, c'est de l'histoire. I Love You Porgy, enregistré en 58, extrait de l'opéra Porgy and Bess de Gershwin. But that's when she realized that she could sing and play. C'est là qu'elle a réalisé qu'elle pouvait jouer du piano et chanter. Et le public n'avait pas l'habitude d'entendre une femme chanter avec une telle voix grave. Elle avait une voix contralto. Et elle pouvait aussi chanter très haut. C'est là que sa carrière a commencé. Je ne pouvais pas me payer de son piano. Alors, j'ai dû trouver un job dans un bar. Et mes parents m'auraient tué s'ils avaient su que je chantais dans un bar. Donc, j'ai dû prendre un pseudo pour qu'ils ne soient pas au courant. Et c'est comme ça que Nina Simone est née. Elle a changé son nom. She changed her name, okay. Oui, elle a changé son nom parce que ma mère était très stricte. Et on avait grandi en apprenant que tout ce qui n'était pas religieux, c'était la musique du diable. Oui, oui, oui, oui. Nina changed her name. Nina a donc dû prendre un pseudo et elle était très fan de Simone Signoret, l'actrice française. Elle lui a emprunté son prénom Simone pour devenir Nina Simone. Parce qu'elle ne voulait pas que votre mère puisse apprendre qu'elle chantait dans des endroits un peu dépravés, dans des bars d'Atlantic City. Pendant longtemps, ma mère ne l'a pas su. Elle entendait parler de cette chanteuse, cette Nina Simone, mais elle ne savait pas qui elle était. Et puis Nina a commencé à lui envoyer des photos, des coupures de presse. Et votre mère a fini par accepter qu'elle avait une fille chanteuse? Oui, ma mère l'a su. Et puis Nina a dû lui dire, Nina Simone, c'est moi. I do sing. Et je chante dans des clubs. No, it is not the devil's music. Mais non, ce n'est pas la musique du diable. It's good music. C'est de la bonne musique. Music. C'est de la musique. Needless to say, my mother found it very difficult to. Pas besoin de dire que ma mère a eu du mal à l'accepter. But my mother got the benefit. Mais finalement, ma mère en a tiré un certain bénéfice. Nina would send her money. Nina lui envoyait de l'argent. Alors elle n'aimait peut-être pas Nina Simone, mais elle appréciait ses bénéfices. On a affaire à quelqu'un qui est loin d'être adulte lorsqu'elle entre pour la première fois dans un studio d'enregistrement en 56-57 à New York et qu'elle signe le premier papier venu. On a affaire à quelqu'un qui est très mal entouré. On est dans une époque où les musiciens nord-américains n'ont pas de choix que de fuir les États-Unis s'ils veulent, un, assurer leur survivance, et deux, être reconnus comme artistes à part entière. C'est le cas de Miles Davis qui s'installe à Saint-Germain. On est dans un cadre qui est absolument odieux, qui est celui de la ségrégation raciale et de ses violences. Et à partir de là, lentement, une pelote de laine se déroule, et puis il y aura un premier contrat avec un contrat léonin qui sera signé, qui la dépossède de tous ses droits, et tous ses droits, ça signifie aussi l'enregistrement de My Baby Just Cares. Cette chanson est très connue, grâce à la pub pour Chanel. Mais moi, hélas, n'ai jamais reçu de bouteille de parfum, ni même d'argent pour cette pub d'ailleurs. Et 50 ans après, ce sera quand même dommage d'être passé à côté de plusieurs millions de dollars, parce qu'elle ne connaissait pas le business, parce qu'à cette époque-là, la fin des années 50 et le début des années 60 aux États-Unis, c'est un business où les artistes noirs afro-américains, disons, sont systématiquement dépouillés de leurs droits, sont systématiquement pilés. C'est la réalité de cette industrie. Et là, lentement, et ça ne dure que 10 années, il y a la construction d'une trajectoire artistique. Avec un premier mari blanc et beatnik, Nina Simone met le cap sur New York et son épicentre musical, le village Greenwich Village, carrefour des avant-gardes, là où le jazz et la folk se croisent au coin du Blue Note, du Village Gate ou du Village Vanguard, les clubs du Bad Manhattan. Sam Wayman, frère de Nina Simone. Ça bouillonnait de musique partout. Il y avait du jazz, du bebop, de la soul, partout dans toutes les rues. Ça jumpait, ça pulsait dans le village, comme on disait. Tu pouvais aller dans n'importe quelle rue, entendre de la musique. Ça jouait de tous les instruments, du saxophone, de la trompette, la clarinette, de la batterie. Il y avait des clubs partout. La musique était dans l'air, c'était magnifique. Dans le village, j'ai rencontré Bob Dylan et puis on s'est revus à Paris. La poésie de Bob Dylan, sa façon d'écrire, touchait beaucoup Nina et elle a beaucoup repris ses chansons. Dylan était le porte-parole de toute une génération. Oui. Nina et Bob Dylan avaient beaucoup en commun. Dans le village, il y avait aussi Leonard Cohen, Langston Hughes. On peut en citer plein comme ça. Ils l'ont tous nourri de leur poésie. Verta Mae Grovender. We would go downtown. You know, that's what we thought was pretty cool. On allait au village, c'était cool à l'époque. Je lisais Jean-Paul Sartre, on voulait être des bohémiens. C'était très excitant. Là-bas, tu pouvais croiser Langston Hughes en train de lire ses poèmes ou Nina qui jouait. On parlait ensemble, on s'asseyait, on parlait de travail. Et puis on pouvait parler de tout avec Nina d'ailleurs. D'ailleurs, on n'était pas toujours d'accord. Je me souviens qu'un jour, elle m'a appelé et elle m'a dit « Attends, écoute ça. Dis-moi ce que tu penses de ces paroles. » Et je lui dis « T'as pas oublié quelque chose ?» Quoi ?« Tu sais qu'on se parle plus ?» Elle m'a dit « Non, mais t'as pas besoin de parler. Écoute juste. » C'était les paroles d'un vieux blues qui disait « Comment peux-tu articuler ta bouche pour dire « Je ne t'aime plus » ?» Et elle adorait cette phrase. Moi aussi, j'adorais incorporer des éléments de folklore dans mon travail. Et je lui disais aussi, hé Nina, qu'est-ce que tu penses de ça? Écoute ça. On s'amusait beaucoup à jouer avec les mots. Jim Perla. À l'époque, je jouais à New York, au Village. Je me souviens que c'était un dimanche. Quand on a fini le premier set, un homme est venu me voir pour me dire « Je représente Nina Simone. » Je savais qui elle était, je connaissais son nom. Et il m'a dit, on recherche un bassiste, est-ce que tu voudrais passer une audition? Ça, c'était en quelle année? C'était en 69. Et j'ai dit, oui, bien sûr. Je me suis dit, waouh, ça c'est une sacrée personne. Quand elle jouait du piano, elle avait une force bien supérieure à n'importe quel jazzman que j'avais pu entendre. J'ai su tout de suite qu'elle avait un sacré bagage classique. Vous savez, sa technique, sa façon de toucher le piano. Et son approche du tempo. Quand on joue au piano, on est obligé de se tenir droit. Obligé. Qui joue? Par la posture classique du piano. Et du coup, à partir du moment où les mains sont détendues, tout le reste de son corps est détendu, donc elle peut faire son chant. Des fois, on peut être statique sur scène et être en communion totale. Qu'elle soit assise ou pas, qu'elle fasse dos au public ou pas, elle est là. C'est ça, le don de soi. Au-delà de ce qu'on sait qu'on a en soi. Parce qu'on ne le sait pas. Elle avait une façon de jouer du piano, je dirais qu'elle le cognait. Mais je ne dis pas ça de façon négative. C'est juste le pouvoir qu'elle avait, sa force, sa façon de poser ses doigts sur les touches. Pas de doute. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Et ça m'a donné beaucoup de liberté de jouer au sein de cette force. C'était une sacrée femme, une femme sauvage. Elle aimait boire, elle était très libre, elle avait des convictions bien trempées. Et c'était un plaisir pour moi d'être proche de cette force, ça m'a rendu fort aussi. J'ai appris à soutenir sa musique tout en m'amusant. Et au passage, en gagnant de l'argent. Et comme elle faisait déjà des concerts à travers le monde, je savais que ça irait. Lorsque j'ai rejoint Nina, elle jouait avec un batteur qui, à mon avis, ne faisait pas l'affaire. Je l'ai dit à Nina, tu sais, je connais un batteur qui te plairait. Elle m'a dit, ok, dis-lui de venir, je vais essayer. Qu'est-ce qu'elle lui a dit alors après le concert? Elle lui a dit, tu sonnes plus noir que tu en as l'air. To me. The Negro, obviously, il me paraît évident qu'un noir feels quicker, sent beaucoup plus immédiatement le jazz et le blues qu'un blanc. Les noirs ont tout simplement connu plus de désespoir. Et c'est de leur désespoir que sont nés les blues. C'est un arrière-plan terriblement important. À force d'y être exposé, on le reproduit musicalement, en l'imitant. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce que vous êtes un noir qu'automatiquement vous sentez mieux le jazz ou le blues. Pas du tout. Moi-même, je connais des noirs qui ne sentent pas le rythme. Tout dépend de comment vous vivez, où vous vivez, comment vous vivez, de la somme de désespoir auquel vous avez été exposé, dont on vous a parlé ou chanté. Désespoir, blues, etc., etc. Même si vous êtes un blanc et si vous avez connu tout ça, ça revient au même. Pas nécessaire d'être noir pour sentir le blues. Who do you think I am? You raise my taxes and freeze my wages. La musique de Nina Simone n'était définitivement pas du jazz, mais c'était à la frontière avec beaucoup d'autres styles, le folk, le jazz, la poésie engagée. C'était tout cela à la fois. Nina détestait le mot jazz. Le jazz, c'est le message de l'âme. Ce n'est pas une forme en soi. Tout le monde ne peut pas le jouer, mais on peut le ressentir, ça c'est sûr. C'est comme le blues. Ça ne vient pas de ce côté, mais du côté du cœur. Il y a du blues joyeux, du blues sale. Funky. Du blues funky, du blues triste. Sad blues. There's anything can be blues. Tout peut être blues. leave you with the blues. And again, I don't want to let you down. I get this feeling, so I think the only way to tell you who I am these days is to sing a song by Janis. Stars, they come and go. On voit des vidéos de concerts de Nina Simone, des fois, elle se tourne, elle parle au public, quoi. Des fois, elle n'a pas envie de les voir. Parce qu'elle se dit, est-ce que les gens me comprennent vraiment? Est-ce que les gens savent qui je suis? Est-ce qu'ils sont juste là pour voir, pour écouter ma musique? Ou est-ce qu'ils essayent de comprendre la personne que je suis? Et c'est ça qui est assez... C'est ça qui est assez intéressant dans sa démarche, parce qu'elle s'identifie complètement à sa musique. Et c'est une leçon d'humilité incroyable pour moi en tant que chanteuse. Stars, they come and go. They come fast, they come slow. They go like the last light of the sun all in a blaze. Elle s'était parfois laissée emporter aussi par ses propres sentiments. Et c'est ce qu'elle explique sur scène, en live à Montreux, en faisant référence à Janis Joplin avant de chanter le morceau Feeling. There is definitely anger. It was just funny. Il y avait de la colère. There was some sadness. It was going through her personal. Il y avait de la tristesse dans sa vie personnelle. Sometimes, you know, John meurt. Singing a song and having a career. Parfois, chanter une chanson ou avoir une carrière, ce n'est pas suffisant pour exprimer toute cette frustration, toute cette colère. Which makes for somewhat bizarre. Ça produit un cocktail parfait qui peut expliquer certaines de ses apparitions les plus étranges sur scène. Les gens ne savent pas comment gérer cette femme, cet artiste noir, tellement habitée par sa carrière, par ses propres sentiments, par tout ce qu'elle voulait communiquer sur scène, ses émotions, tout ça. Et tout ça, cette notoriété, ça ne l'a protégée ni du racisme, ni du sexisme. Et puis elle souffrait de dépression, de bipolarité et de problèmes mentaux qui n'étaient pas traités, car ça n'était pas le genre de maladie qu'on traitait dans notre communauté noire américaine. Similar to what was going on with Donny Hathaway. Hélas, c'était aussi le cas de beaucoup d'autres artistes noirs américains. Je pense à Donny Hathaway ou Marvin Gaye. I was talking with Questlove about Al Green. Un jour, j'évoquais la trajectoire d'Al Green avec le musicien Questlove. African-American artist. Et il m'a dit qu'il ne connaissait aucun musicien noir américain connu pour être un génie qui ne soit pas devenu à moitié fou. Statement, but it's almost true. C'est triste, mais c'est assez vrai. Janis Joplin told it even better. Holiday even told it even better. We always. You know, so as far as that, and I know Nina was very strong. Je sais qu'à l'époque, Nina était très proche des militants Black Power. I didn't get involved, but I supported that idea. Moi, je ne militais pas, mais je soutenais ses idées. Je les soutiens toujours, d'ailleurs. Mais la musique à cette époque, elle avait une résonance très très politique. Comment est-ce que vous viviez ça? That was her message to the people. C'était son message, quel que soit le public. Si on jouait devant un public noir à l'Apollo, à Harlem, ou devant des blancs au Carnegie Hall. Her message was, you know, let's get going. Le message c'était, avançons. You white people, be straight and fair with us black people, and you know, bring us. Et vous les blancs, soyez juste avec nous, les noirs. Intégrez-nous, traitez-nous avec respect. Si on continue, Sam, vous qui êtes le frère de Nina Simone, si on continue à dérouler le fil de la vie de Nina Simone, dans les années 60, elle commence à être connue, joue beaucoup à New York, elle commence à devenir célèbre, et c'est là qu'elle rencontre son mari. Oui, c'était dans les années 60. C'est la période des manifestations, des actions pour les droits civiques. Malcolm X, Martin Luther King. Le titre Mississippi Goddam, c'est l'époque de la marche pour l'égalité à Washington, D.C. De toutes ces injustices qui font partie de notre histoire. Dans ce climat, oui, elle a rencontré Andy. Et c'est donc dans ce climat qu'elle a rencontré Andy, son dernier mari. Andy Stroud, c'était un détective de la police de New York. C'était un bel homme, très fort. Et Nina est tombée amoureuse de lui. Et puis ils ont eu une fille, Lisa. Tu veux savoir autre chose? Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi, goddamn. Et après ce mariage, le nouveau second mari de Nina Simone est rapidement devenu aussi son manager. Oui, il a été son manager pendant des années. Grâce au management d'Andy, elle a pu acheter une maison pour la première fois de sa vie dans le quartier de Mount Vernon. Une belle maison avec des fleurs. La plus grande du quartier, elle en était très fière. Donc les affaires marchaient bien à ce moment. Oui, et Andy l'a poussée à travailler dur. Mais il n'avait pas le choix parce qu'elle dépensait beaucoup. Il fallait des moyens pour avoir le train de vie d'une Nina Simone. Elle avait des bonnes, des gouvernantes. Elle s'achetait de belles toilettes. Elle voyageait beaucoup. Elle se plaignait toujours qu'elle n'avait pas autant d'argent que Ray Charles ou Aretha Franklin. Mais bon, il faut travailler dur comme Aretha Franklin ou Ray Charles, mais aussi ne pas dépenser l'argent si vite. C'est ce qu'on lui disait. Elle disait qu'elle en avait marre de travailler comme un esclave, de ne faire que travailler. Elle disait qu'elle avait besoin d'amour, de stabilité, de fonder une famille. Au lieu de courir, prendre un avion et faire des tournées. Elle aurait voulu avoir une vie de mère de famille simple. C'est ce qu'elle voulait. Mais elle voulait aussi faire ce qu'elle voulait. Avoir une vie fantasque. Mais tout a un prix. I'm giving it up, this life. Too many heartaches, too many tears. What a disappointment. Where's Mrs. Stewart? Her car's being washed? Oh, she took his car? He took I mean, when we come to a venue or when we were traveling, Jean Perla. People would be like in awe of, oh, it's Nina Simone. Lorsqu'on voyageait et qu'on arrivait dans une salle, il y avait toujours une certaine aura. Les gens disaient, waouh, regarde, c'est Nina Simone. And et puis, il faut dire qu'elle était imprévisible. Prévisible, oui. We were playing a concert in un jour, Pittsburgh, par exemple, Pennsylvania. The next night we were scheduled on avait un concert à Pittsburgh, en Pennsylvanie, et le lendemain, on devait jouer au Carnegie Hall, ici, à New There York. Was a big snowstorm. Et il y avait une tempête de neige, donc tous les vols étaient annulés. Her husband manager son mari, qui était aussi son manager, he found two a donc trouvé deux pilotes, des vrais cowboys, qui disaient, ouais, ok, on s'en fout, nous on vole par tous les temps. And he rented a DC-3, which is et donc, Andy a loué un DC-3, c'est un avion de la Seconde Guerre mondiale, he bought a case of champagne. Et puis il a acheté une caisse Everybody de champagne. Drunk. We arrived at LaGuardia on s'est Airport. Tous saoulés et on a embarqué. The limousine picked us up, et finalement, took us to Carnegie Hall. En arrivant à LaGuardia à New York, une limousine nous attendait pour nous conduire jusqu'au Carnegie Hall, juste à temps pour jouer. One and a half hours later, Nina, came to the stage. Nina, elle, n'est montée and sur scène qu'une heure et demie plus tard. Et je l'ai appris bien plus tard. Elle n'arrivait pas à se coiffer. My hair is woolly. My back is strong. Hommage à Nina Simone sur la scène du festival Jazz à Vienne en 2010. Four Women, quatre femmes, interprétées par Liz Wright, Diana Reeves, Lisa Simone, la fille de Nina et Angélique Kidjo. C'est une chanson qui vous habite tout de suite, on se met à la place de la femme. Safronia, c'est elle est métisse, elle est née du viol du maître avec la servante. Peaches, elle est en colère complètement. Et Aunt Sarah, c'est celle qui est noire, qui est laide, qu'on maltraite. Et la fille de Nina Simone, Lisa Simone, Elle chante celle qui a trouvé le refuge dans la prostitution pour oublier son statut d'esclave. Et quand on chante ça, quand on finit de chanter ça, il y a un moment de silence et tout le monde se lève. On applaudit parce qu'on ne sait pas quoi faire, en fait. Parce que ça a été une réalité, c'est peut-être une réalité aujourd'hui. Depuis que Barack Obama a été élu, moi, je vois de plus en plus de couples mixtes. Mais quand je suis arrivée en 97, mon mari et moi, dans la rue, on n'osait pas se tenir la main parce que les gens vous regardaient bizarrement, parce que ça choquait les gens. My name is Sophronia. Between two worlds, I do belong. Je suis entre deux mondes. My father was rich and white. Mon père était riche et blanc. Un soir tard, il a forcé ma mère. Il l'a violée. My name is Serafina. Mon nom est Sophronia. My skin is tan. Ma peau est cuivrée. My hair is fine. Mes cheveux sont lisses et beaux. My hips invite you. Mes hanches vous invitent. My mouth like wine. Et mes lèvres sont comme le vin. Whose little girl am I? Quelle petite fille suis-je? Anyone who has money to buy. Je suis à vous si vous avez de quoi payer. What do they call me? Comment m'appelle-t-il? My name is Sweet Thing. Mon nom est Sweet Thing. My skin is brown. Je suis noir. And my manner is tough. Et je suis rude. I'll kill the first mother I see. Et je vais tuer la première mère my que life je vois. Has been rough. Car ma vie a été trop dure. Je suis terriblement amer ces jours-ci parce que mes parents étaient des esclaves. What do you call me? Comment m'appelle-t-il? My name is Peaches. Mon nom est Peaches. That was Nina Simone's Four Women. Ça, c'est un extrait des paroles de Four Women and de Nina Simone. It's a composite, ces quatre femmes de la chanson sont comme une palette de couleurs. Elles sont des symboles. Quatre femmes qui pourraient être quelqu'un de ma famille. Mais en tant que noir américain, je peux dire que cette chanson ne parle pas que de ma famille. Elle raconte aussi l'histoire de beaucoup de noirs américains. Elle résonne encore aujourd'hui. The real problem with violence is that we have never been violent. We have been too non-violent. If I had my way, I'd have been a killer. If you have been moved at all, and you know my songs at all, for God's sakes, join me. Don't sit back there. The time is too late. Le pasteur Martin Luther King, le chef de file du mouvement noir non violent aux États-Unis, a donc été assassiné. The king is dead. Le 4 avril 1968, l'assassinat de Martin Luther King met fin aux rêves de non-violence. Des émeutes éclatent dans les grandes villes américaines. Et deux jours plus tard, Nina Simone monte sur la scène de Westbury. Picket lines, school boy cops. They try to say it's a communist plot. But all I want is equality for my sister, my brother, my people and me. When tragedy happens, you'd be surprised as to what your body can do. Quand une tragédie arrive, tu seras surpris de ce que ton corps peut faire. Why the king of love. Pourquoi King, le roi de l'amour, est mort? Je me souviens de cette chanson. On l'a chanté dans le bus, partout, sans arrêt, en voiture. Elle faisait tellement sens pour nous. King of love is dead. Of course, this whole program is dedicated to the memory of Dr. Martin Luther King. We sang it one day and it was released. On l'a écrite en une journée. Elle était enregistrée sur scène, puis elle est sortie le lendemain. Comment est-ce que vous vous sentiez sur scène ce jour-là? It was spontaneous. It was sad. C'était spontané, triste à la fois. And we didn't have any idea. On ne savait pas à quoi le monde allait ressembler après sa mort. The stage. Pour moi, être sur scène, c'était le moment le plus libre de ma vie. Et pour Nina, c'était pareil aussi. Parce que c'est là que tu existes, plus que nulle part ailleurs. Car sur scène, tu te sentais en sécurité. Et tu vivais le moment présent. J'ai jamais eu peur sur scène. Non, pas sur scène. Non. Le seul lieu où je me sentais menacé, c'était dans le sud des États-Unis. Love thy neighbor was his creed. Pain. Mais aux États-Unis, les manifestations antiségrégationnistes sont quotidiennes et toujours aussi préoccupantes. En Caroline du Nord, une centaine de personnes ont été arrêtées hier pour avoir bloqué la circulation à Chapel Hill en s'asseyant sur la chaussée en plein centre de la ville. from his foes he did not hide. It's hard to think. Les leaders non-violents sont assassinés ou en exil, et comme beaucoup, Nina doute. Changera-t-elle l'Amérique pour en faire un pays plus juste? Il ne lui reste alors plus que les paroles de James Baldwin. Nina, c'est le monde que tu t'es construit, et il faut que tu vives avec. Quelques années plus tard, elle fuit les États-Unis, qui deviennent pour elle « the United Snakes of America », un pays de serpents. Elle laisse derrière elle son alliance sur la table, son mari et manager Andy, et une ardoise au fisc américain, dernier cadeau d'Andy. Et après commence pratiquement 20 ans d'errance. 20 ans de ténèbres, 20 ans la vie où la maladie prend ses droits. David Brin-Lambert. Des contradictions qui sont assez cruelles. Par exemple, sa vie au Liberia, qui était une terre sur laquelle on fait venir des esclaves afro-américains, anciens esclaves. Et lorsque Lina Simone arrive là-bas, elle va vivre dans une sorte d'opulence, dans une société aristocratique afro-américaine, dans une terre africaine. Et là, tout d'un coup, il y a une contradiction qui est très troublante entre la femme qu'elle a été, même voilà, figure qu'elle a été durant le mouvement des droits civiques et celle qu'elle devient au Liberia, où il n'est plus du tout question de musique pendant 20 ans. Cette trajectoire, elle prend un peu, à certains endroits, elle invoque un peu celle d'Arthur Rimbaud. C'est-à-dire qu'à un moment où il y a une, chez elle comme chez lui, il y a eu un moment l'absolue nécessité de produire cet art. Dans l'espoir que cet art pourrait changer quelque chose, au tréfonds de la société. C'est-à-dire que c'était quand même une ambition très haute. Et il y a eu un renoncement chez les deux. Et dès lors, il y a une incapacité à trouver sa place, c'est le début d'une errance. Alors, pour Nina Simone, ce sera une danse désarticulée qui commence au Liberia, qui passe notamment aussi par la Barbade à un moment, et qui va s'écraser en Europe. Yes. Liberia. Oui. Again was another place. It was Africa. Au Liberia, c'était l'Afrique. It's a place where she could retreat. C'était un lieu où elle pouvait sauver son esprit, son âme. Et se régénérer. Renewed, I would say, Liberia was her favorite place. Je dirais que c'était son pays favori, parce que c'était l'Afrique. Well, see, that's where a lot of the money went. Elle se sentait chez elle. When you're angry, you spend a lot of money. Et c'est là qu'elle a aussi dépensé beaucoup de son argent. You know, mais quand tu es en colère, tu dépenses beaucoup. Et l'exil, c'est aussi la perte de sa famille. Oh, yeah. C'est des choses qui rongent. Ce n'est pas des douleurs physiques qu'on voit sur le corps. Mais les douleurs psychologiques sont très, très, très meurtrières. Parce que petit à petit, ça prend la vie, petit à petit, ça vous étouffe. Elles étaient là pour donner ce qu'elles avaient à donner, complètement. Et c'est une leçon d'humilité incroyable pour moi, en tant que chanteuse. Après, ce moment intéressant au Liberia qu'elle raconte, elle, lorsqu'elle est dans un isolement, elle est dans un amour qui la consume avec un certain Imodja, et elle fait une expérience sorcière. Et son père lui apparaît. Et ça fait partie des rares détails de sa biographie que je veux croire. Peut-être que cette femme était tentée et qu'elle était à un moment, je crois, dans une démarche d'étude de ces questions-là, au Liberia. Et je crois que la musique, à un moment, n'a pas suffi. Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad. Don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Pourquoi Gilles Leroy, la vie de Nina Simone, ou en tout cas la fin de sa vie, est un roman pour vous? Quelle part de fiction il y a dans la vie de Nina Simone? Moi, en tant que romancier, j'avais envie de reprendre cette vie en main et de me l'accaparer sur un certain plan, oui, mais pour rendre un hommage à Nina Simone et à cette fin de vie qui est très particulière, très triste, parfois même sordide, mais qui en même temps me semble être une sorte d'archétype de ce que sont souvent les fins de vie de ces grandes divas, des femmes qui en général vieillissent seules et meurent relativement seules, Et j'avais envie d'écrire là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai choisi de raconter les dernières années de sa vie. Elle meurt en 2003 et ça commence, voilà, en 2000 à peu près. Le roman commence sur dans sa dernière demeure qui se trouve à Carry-le-Rouet, à côté de Marseille, sur un bord de plage. On sait, c'est pas une révélation, qu'elle était très alcoolisée, qu'elle prenait en plus beaucoup de médicaments comme le lithium contre sa bipolarité. Donc c'était quelqu'un qui était, on le voit au dernier concert d'ailleurs, très abîmé aussi physiquement, hein, mais elle oublie les paroles des chansons, par exemple, elle perd un peu la tête, faut dire les choses très simplement. À la fin de sa vie, par exemple, il y a plus une chose qui l'intéresse, et je le développe, je le raconte, c'est elle ne veut plus chanter sur scène, et elle veut surtout être à son piano face à la plage, et jouer les musiques qu'elle aime, c'est-à-dire Bach, Debussy, Ravel, Chopin, jouer ses maîtres, en fait. Et comme si elle cherchait à la fin de sa vie à se venger un peu de ce sort étrange d'artiste de variété qui, sans doute, lui allait pas très bien. Je raconte l'extrême vanité qu'elle a, mais en même temps qui, moi, me semble totalement adorable sur un plan. Enfin, ça me fait fondre, ce genre de truc. C'est cette femme qui a eu le monde entier à ses pieds, quelque temps avant sa mort, reçoit un diplôme honorifique du fameux Curtis Institute qu'il avait refusé. Et elle en est joyeuse, mais comme une gosse, quoi. Elle est très fière. Alors, bien sûr, elle l'affiche dans chez elle. Et surtout, elle veut qu'on l'appelle docteur Nina Simone. C'est-à-dire que ça en dit long, quand même, sur toutes ces ambitions qu'elle avait. Et c'est ce paradoxe, vous voyez. Non, c'est quelqu'un qui a eu des succès et des grandes traversées du désert. Et ce qui est admirable, c'est sa façon de rebondir. Elle a rempli des Olympias en France. Elle a rempli Carnegie Hall. Elle a les plus grandes salles du monde, les plus prestigieuses, elle les a remplies. Et tout à coup, il n'y a plus personne, elle ne peut plus enregistrer de disques. Et cette femme, donc, qui a tout eu, a l'incroyable ressort d'arriver à Paris et de se faire engager au Trois Maillets, qui est un tout petit cabaret où il y a 200 places, et de chanter tous les soirs. C'est-à-dire qu'elle repart de zéro avec une puissance incroyable, quoi, et sans se plaindre. Vous êtes au Trois Maillets, c'est un lieu maçonnique et on pense que ça a pris le nom de Trois Maillets en 1742 et c'est devenu un club de jazz. Vous avez Coltrane, Bud Powell, Mesmero, Armstrong, Lily Armstrong, Billie Holiday, elle a chanté ici pendant 2 mois. Coltrane, il est resté plus d'un an ici. Comment est-ce que vous aviez rencontré Nina Simone, Jacques Bonny? C'était quand? 90, 91 ou 92. Le président du Jazz Club de France est venu me proposer, est-ce que ça te dirait de prendre pour dépanner Nina Simone? Parce qu'on l'a dévalisée, elle n'a plus d'argent. Ah bon, Nina Simone? Bon, j'étais flatté parce que j'arrivais pas à faire démarrer mon club. Et Nina Simone n'était pas apparue à Paris depuis 10 ou 15 ans, je ne sais plus très bien. Et on a signé un contrat, pas 2 jours après ou 3 jours après, mais on a mis 40, presque 24 heures ou 36 heures pour qu'elle le signe. Elle n'arrêtait pas de dire, de rajouter des choses, des bizarreries, que si je tombais amoureux d'elle, ça ne rentrait pas dans le contrat de travail, que des histoires. Une fois, elle n'est pas venue chanter, elle est venue... En ambulance, il y a toujours des histoires. J'ai changé 13 fois d'hôtel. Moi, je sais que la police m'appelait. Nina Simone fait un scandale dans tel hôtel, vous pouvez venir. Et des fois, 3 heures du matin, j'arrivais, je la prenais par la main, j'allais à l'hôtel d'à côté, et puis voilà. Quand on fait la nuit, je dis tout le temps à mes hommes de sécurité, il faut considérer les gens comme dans un hôpital psychiatrique. Donc on parle des gens qui sont un peu dépressifs, qui boivent, il faut faire très attention quand même. Pour Nina Simone, c'est un petit peu ça, parce que elle était tellement... tous les gens qui l'entouraient, ils étaient là que pour vivre à ses frais. In my solitude, in my solitude, you haunt me. Dans ma solitude, tu me hantes. With reveries of days gone by. Avec tes rêves d'antan. In my solitude, you taught me. Dans ma solitude, tu me nargues. Avec la mémoire des souvenirs qui ne s'effacent jamais. Filled with despair. Je m'assois désespéré. I know that you'll soon be. Et je sais que je serai bientôt folle. In my solitude. Dans ma solitude. It's a very romantic song. John Murphy. Ça, c'est une chanson très romantique. Un peu défaitiste, déprimé, mais quand tu lis l'autobiographie de Nina Simone, I Put a Spell on You, en français, ne me quittez pas, tu découvres qu'elle a eu des amours très tortueux, très complexes. Elle a souvent voulu des amours, mais qui n'étaient pas réciproques. Elle était très seule, en fait. Oui, elle était comme emmurée dans son propre monde. Je comprends pourquoi elle aimait cette chanson. In my solitude, I'm praying. Est-ce qu'on ressent l'ombre tutélaire de Duke Ellington, autre pianiste noir, très connu aux États-Unis, dans cette chanson qu'elle réinterprète, qui est une chanson de lui? Oui, dans cette reprise, elle imprime sa marque. C'est du Duke Ellington, mais tu y entends la force et l'émotion de Nina Simone. Je sais que tous les deux, ils se connaissaient. He had great aspirations that went beyond what. Et comme elle, il avait l'ambition de mener la musique noire au-delà des clichés. Want to extend themselves beyond what. Au-delà de ce que les gens imaginent que doit être un musicien noir. I sure do. They were definitely proud. Par ailleurs, ils étaient tous les deux très fiers. Clairement, ils étaient tous les deux fiers. You can see her idolizing. Elle n'a pas idolâtré beaucoup d'artistes, mais Duke Ellington faisait partie de ses idoles, vraiment. Nina Simone fait partie des gens que tu peux apprécier de plus en plus au fil du temps. En fait, je crois qu'il faut avoir vécu pour aimer Nina Simone. Même ses morceaux les plus optimistes. Moi, j'adore la sincérité de sa voix. Et même sa beauté comme ébréchée, la conviction de ses mots, pas simplement ce qu'elle a écrit elle-même, mais aussi l'intensité qu'elle met lorsqu'elle reprend les chansons des autres. Des gens comme elle m'ont montré le chemin. Elle m'a permis d'apprécier la musique, même quand la réalité est dure. Elle m'a vraiment ouvert les oreilles pour m'intéresser aux musiques françaises, par exemple, même si je ne parle pas cette langue. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peu souliers qui s'enfuient déjà. Oubliez le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Oubliez ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi. Le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Quand elle a fait un retour à la fin des années 90, je crois que son dernier album date de 90-91, les gens se demandaient ce qu'elle était devenue. Il y avait une sorte d'intérêt mélancolique concernant Nina Simone, et le public était heureux de voir qu'elle chantait toujours. Mais c'est vraiment lorsqu'une série de remixes sont sortis dans les années 2000 que l'intérêt pour sa musique a vraiment fait un bond. Et aujourd'hui, Hollywood prépare un biopic sur sa vie. Je pense qu'elle va encore toucher d'autres publics. Mais j'ai l'impression qu'elle est encore plus aimée aujourd'hui qu'elle ne l'était de son vivant. Moi, je t'enfuirai des balles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. C'était une immense interprète. C'était une immense interprète, oui, mais malheureusement, je pense qu'elle avait, en vieillissant, elle avait du mal à mettre son âme dans le chant. C'est ses cordes vocales qui ont changé, donc elle n'arrivait pas à exprimer exactement et ça la mettait en colère. Quand elle avait des déficiences, etc., et qu'au lieu de dire non, je ne veux pas être bonne, elle préfère faire un scandale. Quoi. C'est parce qu'elle n'arrivait pas à transmettre physiquement, à travers son chant, l'émotion qu'elle ressentait. Une chanteuse, vous donne de, quand elle arrive à vous donner d'émotions, c'est comme si elle battait un record du monde de 100 mètres, ou, etc. Vous, et si vous avez une réelle émotion, vous êtes émerveillé, c'est un moment grandiose. Voilà. Mais on n'y arrive pas tout le temps, hein. C'est évident. Non ? It is antique and is meant for queen, and I am a queen. I know you are jolted because suddenly it occurs to you that it might be true. Je vais vous lire un court passage qui a trait à Simone Signoret après une scène que j'ai inventée. Nina apprend la mort de Simone Signoret alors qu'elle n'est pas à Paris. Quand elle est morte, 3 ans plus tard, je ne l'ai pas su tout de suite. J'étais loin, à Trinidad ou en tournée, je ne sais plus. J'ai pleuré en l'apprenant trop tard, j'aurais voulu l'accompagner à sa dernière demeure. J'aurais au moins voulu envoyer des fleurs, une couronne de mimosa, un soleil. Je n'ai pu que lui dédier un récital un soir où je jouais pour le président Mitterrand dans un château de la Loire. Je portais pour 250 000 dollars de diamants prêtés par la maison Boucheron. Oh, c'était beau, tu sais, j'avais aussi une longue cape de satin noir très lourd, au bas rebrodé de plumes grises et de perles bleues confectionnées par le grand Saint-Laurent. Rendre les diamants, d'accord, mais rendre cette cape, ça m'a crevé le cœur. À la fin du concert, j'ai rejoint le dîner officiel. Le président est venu me saluer et m'a dit « C'est bien ce que vous avez dit de Signoret. Elle est très regrettée ici. » Et j'ai encore fondu en larmes sans pouvoir répondre. Comment dire à un homme si distingué et distant « Signoret et moi avions beaucoup en commun. Une enfance marquée par le racisme, des hommes qui nous trompent et nous humilient publiquement, la beauté vite envolée, et l'alcool aussi, le plus vieil anxiolytique du monde. » On ne dit pas ça à un président de la République. Elle se sentait incomprise. Il y a une chanson dans laquelle elle chante Little Girl Blue, un titre qu'elle a enregistré après I Love You Poggy. C'est Little Girl Blue. Et c'est ça, elle était comme cette petite fille. Elle n'avait pas eu l'enfance qu'elle aurait voulu. Donc c'était une pièce du puzzle qui manquait à sa vie. Alors quand on pouvait, on jouait ensemble. On faisait des trucs un peu bêtes. Like what? Comme quoi? Like with dolls. Like she never played basketball when she was a little girl. So she comme jouer à la poupée, par exemple, ou au basket. She would just play with dolls. Comme elle n'avait pas pu jouer enfant, on jouait à la poupée. She said, look at all those dolls in playhouses. She just go in there, just act really silly with this. Dans les magasins, c'était juste pour être infantile. Being childish. Jouer avec les poupées, ne pas trop penser. Elle me disait, parle-moi de papa, de la famille. Parce qu'elle n'avait pas passé beaucoup de temps avec nous. Et puis une des choses qu'elle détestait le plus, c'était être Nina Simone tout le temps. C'est un peu comme Malcolm X. Un jour, il est venu nous voir à la maison. C'est la première fois que je le voyais. Je lui ai dit, si vous ne voulez pas, laissez-moi vous demander. Do you like being et je lui ai demandé, puis-je vous demander quelque chose? Vous aimez être Malcolm X tout le temps? He said, no. Et il m'a dit non. But I understood et je comprends pourquoi. Et elle, elle voulait juste être Eunice. Elle voulait être libre. Exactement, et la seule façon d'être libre, c'était de ne pas être Nina Simone tout le temps. And that's when I saw her. That's when I saw the true person. Et c'est là que je voyais la vraie personne en elle. Am I... Il faut qu'on y aille. Who am I? C'était Une vie, une œuvre, Nina Simone, par Elodie Maillot, réalisé par Manouchak Fachaï, mixage Jean-Baptiste Etchepar-Borde, attaché d'émission Laurence Genepin. Do you believe in reincarnation? Avec Sam Wayman, le frère de Nina Simone et auteur du morceau Brother in Love, David Brin-Lambert, auteur de Nina Simone Biographie, Gilles Leroy, auteur de Nina Simone Un roman, Jacques Bonny, âme et French soul du cabaret Les Trois Maillets à Paris, John Murph, journaliste et DJ jazzistique, Jen Perla, contrebassiste, et Angélique Kidjou. avec les archives de la BBC et de l'INA et des extraits des concerts du Festival de Montreux et avec les voix de Jérôme Sandelard et Amaury Chardot. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 8 mars 2014. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr. Whisper, listen, whisper, say we're free. Rumors flying, must be lying, can it really be? Can't conceive it, don't believe it, but that's what they say. Slave no longer, slave no longer.